Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à l'édition complète des Palmarès C'est fou pour la période du 9 décembre au 6 janvier prochain de 2014. Ouh, c'est loin. Salut Steph. Salut Matt. Ouais, c'est rare un palmarès le lendemain en plein milieu de l'année, mais Colin, c'est les fêtes. Ouh! C'est comme ça. C'est déjà les fêtes? Nous dit-on, ouais. Apparemment que... Tabarouette, on apprend des affaires au palmarès C'est fou, hein? Faudrait que je décore. C'est ça. Donc, d'ici la fin de l'émission, pendant ces trois prochaines heures, on va avoir un paquet de chroniques super intéressantes. On a Palm Rest in Peace. On a un instant classique. On a ailleurs dans les palmarès. Plein de choses comme ça. C'était fou aussi, va être là. Ben oui, c'était fou, va être là tantôt. C'est drôle. Pour venir cogner à la porte du studio. Pour les gens qui connaissent pas les noms des chroniques, j'avoue que ça peut avoir l'air bizarre de dire c'était fou, va être là tantôt. Hein. Ouais, c'est ça. Ça marche comme pas. Ça pourrait être quelqu'un. Ben écoutez donc l'émission, bâtard, hein? Ben oui, c'est votre première fois, hey, espèce de néophyte. Je vais pas faire votre job à votre place, mon homme. Hein? Ben non, on a assez de la nôtre. C'est ça. Donc, on va aussi savoir d'ici la fin de l'émission. Nos numéros sont toujours du côté anglophone, Imaginary Cities et Bells of Cologne. Et du côté francophone, Adieu mes chats de Jacques Maure. Ouais, mais par contre, on va commencer avec les nouvelles entrées. Et les nouvelles entrées ont leur propre heure à elles. Cette semaine, il n'y en a pas bien, bien. Ça va être court comme heure. Une petite heure de 10 minutes. Donc, voici les palmarès assez fous, édition New Shit. Bonjour et bienvenue à l'édition New Shit des Palmarès C'est fou pour la période du 9 décembre 2013 au 6 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, c'est un palmarès qui couvre une bonne partie du mois de décembre et le début du mois de janvier. Donc, une longue portion, une grosse pointe de pâté à viande. Ah, j'aurais pu peut-être une tarte au sucre, moi. Ah, ben là, regarde, si t'es si regardante que ça, là, dis-moi pas quoi faire comme bouffe, là. C'est moi qui décide. Essaye pas, t'en fais pas du tout de bouffe. Non, mais je peux te faire décongeler un très bon pâté, là, si tu veux. D'ici la fin de cette émission, de cette portion New Shit, on va avoir entendu un paquet d'affaires qui ne sont pas nouvelles, donc le nom de New Shit, des fois, se porte moins bien, comme aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, principalement, aujourd'hui. Ouais. On a seulement trois nouvelles entrées, et elles sont toutes du côté franco, ce qui veut dire que pour la première fois, moi, en genre une dizaine d'années, c'est la première fois, moi, Mathieu Plante, que je vois un palmarès qui n'a pas de nouvelles entrées du côté anglophone du tout. Aïe aïe! C'est rare. T'es vieux? Ok, je voulais dire aïe aïe, c'est spécial. Ouais, merci. Maudit écœurante! Donc, nouvelles entrées du côté francophone, Pendentif plus tard, ainsi que Brady Carty, mais on va commencer en 20e place. Ben oui, on s'en va entendre Rouge Pompier avec leur succès du temps des fêtes, Il est né le chèque de la divine Soca. Et ça, j'ai entendu dire que cette chanson-là va être dans le palmarès seulement dans ce numéro-là. Parce qu'en janvier, elle sera plus là. Je vous avertis d'avance. Ça montera pas du tout. Je l'aurais mis numéro tout de suite, moi. J'aurais peut-être pu. Elle est vraiment bonne. C'était ben, bon point. Donc, c'est ça. C'est Rouge Pompier qui commence juste là. C'est bon, écoutez ouais. Ça. Ben, si on arrête de parler éventuellement. Ou je pourrais monter la musique. En tout cas, vous allez voir, c'est bon. C'est pas ça, le Rouge Pompier. Là. Ça, c'est le fond. Ah, oh, ben... Tout le monde est chaud, les filles sont chaudes. belle entrée. 19. fait partie de la mafia douce, celle qui t'enlace et qui te dissout. Il est trop tard pour retourner danser, je veux juste en montrer une bande de sexe. Si je réussis, je sens rester à tout côté chanter au bout de la nuit. Pendentif et Mafia Douce, nouvelle entrée en 18e place. Alors que les autres nouvelles entrées en 19e, c'était la caravane de Brady Cardi. Et en 20e, tout juste avant, on a entendu Il est né, le chèque de la Divine Seconde Rouge Pompier. C'est très, très inside, la Divine Seconde. Ben oui, parce que je disais que même il y a deux semaines, je pense, j'aurais même pas compris la référence. Là. C'est le truc des auteurs-compositeurs, là, les, genre de la musique. Là, c'est eux qui gèrent quel argent va à quel artiste qui joue dans les radios. Et, exactement. Et comme je t'ai aidé, Mathieu, à remplir ton document, ben j'ai vu un peu c'était quoi. Genre, je te dois une cote, j'imagine. Non. Non, juste sourire. C'est ça. C'est dommage, les animateurs radio reçoivent pas des cotes des pièces que les artistes jouent. On recevrait de la cote en maudit. Ah, bref, voilà pour les nouvelles entrées. Il y en a seulement trois et elles sont toutes du côté francophone, ce qui veut dire qu'on doit dire au revoir à trois pièces qui sont du côté francophone. Mais en fait, qu'ils l'étaient, ils sont plus. Mais elles sont encore francophones, ouais. Mais elles ne sont plus dans le palmarès. On les a toutes traduites pour vous. OK. Donc, on s'en va entendre. Palmarès, rest in peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. J'ai envie de toi. C'était les extraits des pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis l'édition du 2 au 8 décembre 2013. On a donc dit au revoir à la pièce Panache de Pendentif qui est restée pendant 6 semaines. Ensuite, une très très courte durée pour Genesis Plus et Astéroïde qui a duré 3 semaines. Elle est passée telle un astéroïde. Bah, ouais, c'est bon. Ça. Et finalement, on a dit au revoir à Supernova de Bradycardie qui est restée 8 semaines. Elle s'est envolée comme une supernova? Non, elle a explosé. Elle a explosé. Probablement. Voilà. Mais on a quand même des nouvelles pièces de Bradycardie et de Pendentif qui sont entrées dans le nouveau palmarès cette semaine. C'est vrai, on a de la suite dans les idées. Et Genesis Plus a sorti un maxi, je l'ai sur mon bureau, de chaque côté, là, je sais qu'il existe. Donc peut-être qu'on va avoir une nouvelle pièce de Genesis Plus bientôt. Ben, je le souhaite. Ben, ce sera pas avant janvier, hein, parce qu'on l'a dit tantôt, mais les palmarès qu'il y a là, c'est pour la période du 9 décembre 2013 au 6 janvier 2014. Et là, Stéphanie, tu me demandais la question extrêmement pertinente, et je cite... Hein? Pourquoi est-ce que c'est le dernier palmarès? Pourquoi? Mais mon Dieu! Déjà, j'ai pas demandé une question. Je t'ai posé une question. J'ai dit... Posé, oui. Comment ça, c'est le dernier palmarès? Ça, on fait une émission la semaine prochaine. Très bonne question. Il me semble que moi, on m'a seté, là, ici, là, la semaine prochaine. J'ai un rendez-vous, c'est dans mon iPod Touch. Oui, la raison d'être de cette question que je t'ai posée. Que tu m'as imposé de poser. C'est ça, à peu près. C'est que là, c'est le dernier palmarès régulier. Et la semaine prochaine, donc la semaine du 16 décembre, ce sera la version « C'était fou en 2013 ». Oh, donc, je pense qu'on peut s'attendre à vraiment le top du top des pièces de top. Là. Exactement, on est au top du domaine musical. On est straight au top des deux langues, en français puis en anglais. Donc, top de l'année au complet, 2013. Il va y avoir des classiques là-dedans, des chansons qui ont duré 10, 11, 12 semaines. Ça se peut même pas. Wow! Ça va être génial. C'est la semaine prochaine, la semaine du 16, dans nos cases habituelles, du jeudi après-midi, entre autres, à 15h. Et puis, regardez le cifou.ca. Visionnez-le comme une diapositive PowerPoint. Le cifou.ca pour être au courant des cases horaires. Maintenant, on saute par-dessus les 20, 19 et 18 anglophones parce qu'elles ne sont pas neuves. Donc, on saute par-dessus la 20e qui est Hunting de The Darcys. On saute aussi par-dessus la 19e qui est Traces de Solids. Et la 18e qui est June in the Fields avec Anna-Man C. On va directement en 17e. Du côté anglophone, ce sera Dr. Dog et Broken Heart. Alors que tout d'abord, du côté francophone, on s'en va entendre Mieux vaut vivre pauvre d'Alex Nevsky. Je me trompe toujours avec le titre de la chronique littéraire dans le Zone Campus qui est Mieux vaut en lire. Avec Marie-Hélène Gauthier. Exactement. Donc, mais c'est pas ça. C'est Mieux vaut vivre pauvre d'Alex Nevsky. Au palmarès, c'est fou édition. New shit, mais pas tant que ça. Pas bien ben du new shit. Noyé de rêver de robe d'Anna et de Bob, on se prend par les cornes, on s'envoie dans les cordes. Si le soleil sort, mieux vaut réchauffer nos corps. Si l'abstinence est d'or, mieux vaut vivre. On s'imagine si le soleil dort. Mieux vaut réveiller nos corps. Si l'abstinence est d'or, mieux vaut vivre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. succès. Life for me has just been a walk in the park. It doesn't really matter, it never really mattered. I never really had a broken heart, yeah. Such a shock to me. But looks to me like people going through the motion. And when it's over, yeah, the hearts are broken. I finally said she really loved me, but I couldn't see it though. He really loved me, but I don't believe it. Freedom from the heartache. Freedom from the freedom from the heartache. Freedom from the freedom from the heartache. Freedom from the freedom from the heartache. I never really had a broken heart. You don't believe me? Just look in my chest. There were some people like you running high. I never really been. Dr. Dog et Broken Heart, position 17 anglophone, ça descend de la 4e. Alors que du côté francophone, ça descend de 4 places et c'est Mieux vaut vivre pauvre d'Alex Nevsky. Ben oui. On a tellement rien, on a tellement pas de nouvelles ventes. Vas-y. T'as fini comme... Ben oui. Comme si ce que je venais de dire, c'était totalement inintéressant. Non, c'était juste une évidence pour moi, tu sais. Ben oui. Je te comprends, tu sais, j'absorbe tes propos, mais je les connais déjà, tu sais. Dans le fond, tu m'écoutais pas, puis tu fais juste comme... Je t'écoutais à général, tu sais. La pratique de l'émission avant, je t'écoutais ben bien oui. Comme faut. Ben oui, 3 heures avant que l'émission commence, on fait tout ça, là. On écoute toutes les pièces. Ah oui, OK. Parce que tu sais que si on n'écoutait pas les pièces, on pourrait juste faire la pratique de l'émission en genre 15 minutes à peu près, le temps gros qu'on max. Ça va être les montages de C'était fou, puis les Insta classiques, whatever, là. Bref, on va être rendu au 16e place du côté anglo, c'est Steve Hill et Long Road qui descendent de 1. Alors que du côté francophone, on s'en va entendre Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney. C'est, attention, réplique! C'est les palmarès, c'est fou, édition New Shit. Laisse-moi pas tomber.

to the top, you can't take it easy. Gotta fight every day to stay. It's a long road, such a long road to the top of the hill. It's a long road, such a long road to the top of the hill. It's a long road. Steve Hill. Et c'est la pièce Long Road qui descend une place en 16e anglo. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney. Mm-hmm. Ah, maintenant, on va sauter par-dessus quelques trucs. Hein. Du côté anglophone, c'est des pièces qui sont là depuis un bon moment. 5 semaines pour les deux premières, Fur Trade avec Voyager et en 14e, Braids avec In Kind. Alors que la 13e anglophone est là depuis 9 semaines, c'est Set the Whale avec Mother. Donc, on s'en va entendre les positions 13, 14, 15 du côté francophone. Donc, on va entendre Soleil blanc de Philémon Simon. En 14e, La couleur des jours, pardon, de Audrey Emery. Mais tout d'abord, on s'en va entendre la position numéro 15 et c'est Rayon X de Clopel Gag. Ton sabre laser sous mon rayon X fait briller mes cristaux et dans ta chambre noire, j'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûlait nos peaux. Tu expires dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine. Et ton prix Nobel sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte. Difficile de l'avouer, j'aime tout ce qui se mange. La science est une orange. Je prends le pouls de tes ongles, je vais les promener dans les champs magnétiques où nous aimons graviter. Rouiller ma salive, parer le radium dans la maladie. Depuis que nos lits se font la leucémie. J'ai couvert tes yeux de mon baume hypnotique. Tu vas retrouver Dieu dans ton diagnostic. C'est lui qui te fait mal quand il te crache son eau bénite avec son sabre laser, rayon X. J'ai couvert tes yeux de mon monde énergétique. Tu vas retrouver Dieu dans ton diagnostic. C'est lui qui te fait mal à toute façon. Oh, 14. Pas perdu mon temps avec toi. Simon et Soleil Blanc qui descendent de la 3e à la 13e, donc descente de 10 places. Alors que tout d'abord, en 14e place, à montée de 6, c'est La couleur des jours d'Audrey Emery. Et juste avant, encore plus avant, c'était Rayon X de Claude Pelgag. Mais est-ce qu'il y avait du saxophone? Je pense que non. Donc je gagne. Avec Philemon Simon. J'ai pas compris ton concours, c'est quoi le règlement? Je sais pas, faut avoir du saxophone ou de la trompette ou je suis pas très bon dans les instruments à vent cuivre. Ben en fait, le saxophone est un instrument à vent alors que la trompette est un cuivre. Mais pourquoi? C'est quoi la différence? Ben la trompette joue directement sur le cuivre. Ouais. Alors que le saxophone, t'as une hanche en bois. Oh! C'est vrai! Aïe aïe! C'est intéressant. Donc ouais. C'est un bois. Cool! Mais les deux sont à vent, en fait. Souffle. Les deux sont... Et qu'est-ce qu'il y a après? Non, mais les deux sont avant. Okay, c'est pas... Le saxophone, contrairement aux croyances, c'est pas... En cuivre. OK, parce que je pensais que le saxophone, c'était après. Le saxophone. Parce que l'autre, c'est un préliminaireophone qui lui va avant, puis après, c'est le saxophone après. C'est normal compliqué, les instruments de musique. On va jouer du piano, je pense. OK. Qui est un instrument à cordes, je crois. Et là, embarque-moi pas sur le sujet. On va sauter par-dessus les 12e et 11e du côté francophone. En 12e, il y aurait eu David et les Bois. C'est un autre gag d'instrument. Avec Feu Follet qui monte de 4 places. Et en 11e, c'est Panache avec Léa dans les magasins. Un autre joke de bois, Panache. Ben oui, toi. C'est quoi les chances? Du côté anglophone, on va entendre Cowpuncher tantôt avec Bridesmaids, mais on débute en 12e. Et ça a descendu de 10, malheureusement, mais on va l'entendre pareil. Confession to a Streetlight de Mark Berube. On peut avoir fou édition New Sheet. Now the sun is spitting shadows as it pours through the blinds and the room is suddenly a shade of gold. I can see your face lie on its side, a strand of hair across your eye, a flower in the early morning glow. I know. spinning shadows as it pours through the streets. In these early morning hours, feel alone. I can see your face lie on the side, a strand of hair across your eye, your flower in the early morning glow. Co-Puncher et Bridesmaids qui montent de 8 places à 11e anglophone. Et du côté, non, toujours en anglophone, oui, en 12e place, pardon, c'était Confession to a Street Light de Mark Berube. Ouais. Je sais pas, on a beaucoup de genre country style, genre, tu sais, Co-Puncher, et puis qu'est-ce que t'as d'autre qui ressemble à ça? Genre, t'avais tantôt, c'était rien, qu'est-ce qu'on a entendu? Hello, qu'est-ce qu'on a entendu? Oui. Je le cherche et je le trouve pas. Moi, genre Steve Hill tantôt. Ça sonne, tu sais, un petit peu genre country style. Oh oui. Genre un peu. On s'en fout, hein? C'est tout pour la portion New Shit des Palmarès C'est Fou. On se retrouve soit dans quelques instants pour les auditeurs du jeudi et du dimanche. Et puis sinon, ça va être demain, entre 17h et 18h, pour les gens de la version quotidienne. Ce sera l'édition Top 10. Top 10! Fantastique! Le milieu. Le milieu suivra le Top 5 le lendemain slash l'heure d'après. Ouais. La suite dans les idées au Palmarès C'est Fou. Restez là. C'est Rouge Fou. 89.1. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est Fou, la portion qu'on appelle Top 10 pour la semaine du 9 décembre 2013 au 6 janvier 2014. C'est plus qu'une semaine, en fait, c'en est comme 3-4. Une coupe. Une coupe. Comme on dit dans le domaine du monde qui sont pas bons en mathématiques. Dans le domaine du soccer, on appelle ça la coupe. Hein? C'est coupe de coupe gris. Okay. La coupe gris, non, je m'excuse, c'est football. Tu vois? C'est pour ça que je fais pas de blague de sport. Jamais. Ouais. Donc, portion top 10 de l'émission qui commence avec les 10e oui, places. Oui, salut Mathieu Plante. Hey, salut Steph Paradis. Ouais. Steph. Steph, qu'on t'appelle. Du côté anglophone, c'est Baja Bullet, qu'elle en appelle beige. Avec Tall Shadow qui descend de 3 places. OK. Et du côté francophone, en 10e place, Terrifié, terrifié de Mange, l'ours, mange, qu'on appelle Mange. Mange. Eux autres, ils aiment ça les répétitions, tu sais. Mange, l'ours, mange, terrifié, terrifié. Tu sais. Doublon. Doublon. Ça vous est déjà arrivé de dégueuler sur la piste, les filles? Non. Non. Quelle question sont venues? Elle parlait pas, anyway. c'est bon ce Bajabolaté et Tall Tall Shadow, position numéro 10 qui descend de 3. Et c'était pas mal bon aussi du côté francophone. C'était terrifié, terrifié de manger l'ours mort. Oui, Baja, quand elle commence à faire des yon, puis là, tu sais, continue vraiment longtemps sur la note, là, j'attends les yodels, tu sais. Petit mélange de chanteuses, je pense. Ouais, je pense que oui. En fait, j'espère. Qui fait du yodel encore de nos jours, hein? Encore de nos jours, ouais. Roger dans son salon, je sais pas. Roger? Il y a personne qui fait du yodel. Du yodel masculin, hein, je sais pas. C'est vrai que c'est très féminin, le yodel. Ouais. En tout cas, c'est plus beau dans la bouche d'une fille. Mais il y a bien des choses qui sont plus belles dans la bouche d'une fille, hein? Comment? Pourquoi? Pourquoi j'ai dit? Quand? Hein? Donc, on va l'entendre, les positions numéro 9. Parlant de choses qui se mettent dans une bouche, Radical Face avec Holy Branches. D'habitude, une face dans une bouche, ou en tout cas autour d'une bouche. Oui, ben, je dirais en dessous. En dessous de, oui. Ou derrière de. Si on considère la bouche comme un canevas sur lequel tu peins. Quoi? Un canevas, c'est une toile. Oui, à numéro. Donc, c'est derrière ta bouche. Alors que sinon, dans la face, dans le physique, physionomie, c'est autour, je trouve. Mais ça en fait partie. Oui, je pense. Mais... Donc, du côté francophone, on va aller entendre Manège de Mauve. S'il te plaît. Ce qui t'empête la vie ne varise les mains. Ce qui enflamme le sang fait dévaler à tout à coup. goals in mind. There's a hole in my chest from the time I walked away when I feel with sweat. Everybody's born. Radical Face, la pièce s'appelle Holy Branches et c'est la position numéro 9 du côté anglo. Et du côté francophone, c'était Manège de Mauve. Mm-hmm. Je sais pas si, bon, évidemment, il y a beaucoup de parties de bureau de ces temps-ci et partout. Je sais pas si tu as souvenance là, d'une émission matinale assez fou qui commence beaucoup trop tôt pour les gens qui ont eu un party de bureau sur la main. Matinale. Je pense que c'est Assemblage requis. Oui! Je suis bonne. Là. J'ai souvenance de quelque chose. Oui! C'est sûrement parce que les instants, les moments à l'intérieur de cette émission-là sont super classiques. On pourrait les appeler quasiment un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 9 décembre 2013. Janice Plus, et lui, il dit que lui-même, il dit Janice ou Janice. Janice. Donc, le plus sert à dénoter le fait qu'il est meilleur que les autres, peut-être, je sais pas. Une erreur de touche. Ah, oh, une erreur de touche. Ah, si seulement on était mardi, j'aurais fait une blague d'erreur de touche. Oui. On se touche, là. Faire la neige, là? Ouais. Neige? À neige. Travers la neige, comme elle est blanche. Wow! Le nez bouché. Blibloup. T'as le nez bouché? Oui. C'est décongestionnant, ça. Mais pourtant, je suis là-dessus. Tu flatules? Je suis flatule. Je flatule là-dessus. OK. Mais ça marche pas. Je fais ce que je peux. Faut que j'arrête de fumer des cigarettes. L'espagnol chilien, ça existe, saviez-vous ça? Ah, hein? Hein? Ah, donc une variante de l'espagnol. Cool. Mais non, ça nous sert à rien parce que c'est en anglais. Il y a la langue des signes chiliennes aussi. Vas-y. Il parle avec des piments dans les mains. Ah, c'est tellement un préjugé. Oui, hein? Oui. Et... paraît qu'ils ont les mains très, très piquantes. Et... je me suis acheté des bottes, puis tu sais, je pense que tous les deux, on a des bons pieds. Des bons pieds. On a des bons pieds. Mais tu sais ce qu'ils disent, c'est les longs pieds. Bon pied, bon oeil. Et puis, c'est marqué parfait pour les pieds de 9 à 13. Oui. Ben écoute, je sais pas s'il parlait de pointure ou d'âge, là. Moi, je trouve ça tête. Tout ce qui tombe à l'eau. Tout ce qui tombe à l'eau. Est-ce qu'on t'a entendu renifler? Ah, oh, zut. Je pensais que c'était fini. Zut, zut. Tu peux deviner par la texture. Oui. Un doigt. Ça. C'est comme du sexe pour un aveugle. Tu sais. Devine par la texture. Un doigt. Est-ce que t'as déjà fait ça, les bonhommes? Tu sais, c'est comme une bonhomme, mais c'est une poche. OK, c'est un peu à date, une poche. Oui, j'ai déjà fait ça. Ouais. Oui, j'ai déjà fait ça. Puis tu sais, tu l'arroses, puis là, ses cheveux poussent, puis c'est le gazon. Non. Hein? Non. Je sais pas comment chercher ça en français. Ouais. Poche qui pousse du poil. Il faudrait que t'enlèves le safe search. Je suis en train de taper gazon qui pousse sur une poche. Le jeu de la couche aussi, je trouve particulièrement dégueu. C'est quoi, fait ça? Cette fois-là. C'est que mettre des barres de chocolat fondu dans une couche. Quoi?

pas protocole, mais la même manière de le faire avec les journalistes. Entre quelque chose avec Paroi, Marois, là. Faites votre propre gag. Là. Paroi, Marois, il y a une division. Quelque chose comme ça. Oh, oui, c'est la fameuse journée à porter votre gag. Couillard qui a juste dit qu'il avait, que Nicolas Marceau avait raison. Donc, l'exercice a été laborieux dans Marceau les deux cas. Marceau puis l'ami. Oui. Oh. Il y en a même peu à délai, mais je trouve ça drôle comme mot. Oui. Marceau puis l'ami. Ah, Mathieu, t'as l'air d'avoir eu de l'illumination. Oui, là. Je sais, puis je t'ai coupé dans ta phrase. J'ai vraiment déçu de pas la rire. Vraiment pas. Sa queue est pas si longue que ça. Oh! Ouais. On sera là, nous deux. Nous deux. On va vous préparer des petites affaires. Là. Pas mal de choses à se s'enfirouamper, à vous emballer. À se mettre sous l'oreille. Là. C'est ça. Comme un sapin. Oui, on va se passer un sapin. Dans l'oreille. Wow. Dans l'oreille. Bon, je veux bien mon sapin où j'en ai envie. Justine, comment? Ouais, juge-nous pas. Enlève l'étoile, par exemple. C'était les instants classiques d'Assemblage requis pour la semaine du 9 décembre 2013. Du vrai bonbon. Ah, vraiment, là? Hein? À chaque semaine, j'ai la même chose. Il me semble que c'était pas si bon que ça cette semaine. Puis finalement, il y en a comme pour 8 minutes. Là, fait que... Ben oui, mais c'est parce que t'es trop sévère envers toi. Je sais! Apprécie ton... Ben, j'allais dire talent. Mettons, ta particularité. Apprécie talent, comme dans talent, pas mal. Là, talenteur. Talenteur, oh, oh. On a quelque chose talentille. Là, je pense. Talentille. L'an 2014. 2014. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sorti comme blague? Ah non, c'est ça. On a sorti des blagues tantôt en ronde, mais on peut pas vraiment les répéter en ondes. Mais ça avait rapport avec Virginiana Jones. Virginiana Jones. Et en tout cas, bref, faites votre propre gag encore une fois. C'est la semaine complète où vous faites vos propres gags. Oui, c'est venez bon, nous hein? les raconter, peut-être qu'on va les compter en ondes puis se dire « Colin, c'était meilleur que ce qu'on a dit. » Exactement. Donc, on revient au palmarès. C'est fou. Avant, la raison d'être d'un instant classique est pour faire une publicité de plus pour Assemblage Requis, comme si on n'avait pas assez. Hein. C'est du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. C'est avec Jean-Philippe Charbonneau et moi-même, Mathieu Plante. Il nous reste une dernière semaine avant les vacances. Une dernière. Yeah! Il nous reste 8 heures. Ouais, démission. Démission, ok, j'étais comme, moi dans 8 heures, je pense qu'on n'aura pas fini de travailler. Non, c'est ça. Mais en passant, pour ceux qui se demandent, mais là, qu'est-ce qui va se passer pendant les fêtes? Comment vais-je survivre sans ma dose quotidienne de non-sens? On va être quand même là, dans la même case horaire, 6h30 à 9h30, tous les jours, mais avec des meilleurs moments. Il va y avoir, et on le répétera plusieurs fois d'ici là, mais quand même, je tiens à vous le dire, il va y avoir une émission complète sur Maxime Tanguay, Max T. Max T, c'est sa chronique « J'ai tout le temps pour une chronique ». Il va nous faire ça pendant 3 heures. Ensuite, on va avoir la course au trésor avec Ingrid Arneberg. C'est la chronique « Périnatalité, parentalité et autres trucs comme ça ». C'est vraiment intéressant. Mais là, je veux que tu m'expliques. Est-ce que ces gens-là reviennent en studio tout seuls refaire les chroniques? Non, ils viennent avec nous parce qu'on va faire les mêmes gags qu'on a fait dans le même ordre. À peu près, les interrompre au même moment pour faire des blagues qui n'ont pas de rapport dans leur chronique. Tout. OK, et j'imagine que la générale commence à 4h le matin? C'est ça, 4h30. OK, ouais, quand même. Donc, il va y avoir ça. Maxime Tanguay, Ingrid Arneberg et une introduction pour les gens qui ne connaissent pas encore Stéphanie Paradis. Une certaine Stéphanie Paradis. Bon, qui va m'introduire encore? Ah, moi, t'as introduit ça assez profond. On va voir. C'est pendant 3 heures. Franchement. Ben, les sujets puis les chroniques, tout ça, ça va être super profond et intelligente et profonde. C'est tout ce que ça veut dire. Change pas. Toi, t'es tellement deuxième, troisième degré, là. Comment? Je m'excuse, là, mais ce que t'as dit, c'était pas deuxième degré. Là. C'était clairement premier degré. C'était difficile à prendre autrement, tu sais. Difficile à apprendre autrement. Oui. C'est un autre gag sexuel encore, t'sais. Ah oui? Difficile de l'apprendre autrement. OK. Ouais. Maintenant, bref. On va parler d'autre chose. Oui. Donc, soyez-y. Ça va être en décembre, pendant les fêtes, pendant les 2 semaines, dans un ordre différent. Ouais. Entre 6h30 et 9h30, du lundi au jeudi. Alors, on est rendu à la position numéro 8 de chaque côté. Et en anglophone, ce sera Nico Case et Night Still Comes. Une autre affaire difficile d'apprendre autrement. Night Still Comes, la vie vient... Ouais. Et du côté francophone, c'est stable. On s'en va entendre « Je pars au combat » de Guillaume Marceneau. Je pars! Ah non, excuse-moi, je viens, je pars. Si vient est un jeu de mots, « part » n'est pas nécessairement un jeu de mots. Aïe, aïe, ouais. J'ai mal à la tête. C'est ça qu'elle disait hier aussi, quand j'ai mal à la tête, on peut pas faire de sexe. C'est, je la raconte trop. Ferme ton micro. Okay.

catch a falling star, but wash your hands of it. Catch a, catch a, catch a, catch a falling star, because you can't own it. You never held it. Nico Case et Night Still Comes, c'est la position numéro 8 du côté anglophone, et puis ça se donne à avoir monté, c'est de 5 places. Et du côté francophone, c'était Je pars au combat de Guillaume Arsenault. Mm-hmm. Tantôt, on aura Anna Loulou et les frères Goyette à entendre en position 7, mais avant ça, là... on dit mais avant ça. Mais avant ça. Mais ramène ça. Ouais, genre. Ramène. Ouais, ramène. Ramène ça, mais ramène nouilles. Ouais, ramène. C'est ça, ramène coke? Ou encore ramène... Ouais, non, pas du sport, on va prendre le ramen coke. Ouais. Commençons par des nouilles ramen et un ramen coke, puis ça va être bien parfait. Non, bon, quel souper gastronomique. Pas pire, hein, c'est mon calibre pas mal ça, culinaire, c'est tout ce que je sais faire. Voici C'était fou. Et on retourne à la semaine du 12 décembre 2003. Établis de ceux qui l'ont l'affaire. Toujours plus de mots, plus de tout. Rajoute des zéros à ton piétage, puis à tes croûtes à manger, avant de devenir le plus grand des menteurs. Roule, roule, tout croche, lourde caboche. Trouve-toi déstabilisant, puis divertis-toi-en. Crapule du consulat des établis, de ceux qui l'ont l'affaire. Toujours plus de mots, plus de tout. Cajole les zéros de ton salaire, puis de tes croûtes à manger, avant de comprendre qu'il valait mieux se taire.

naked now. Let me look until the sun goes down. I believe in the God of ça fait du bien d'entendre The Darkness au Valeur assez fou. C'était un flashback à la semaine du 12 décembre 2003 et avec la pièce The Darkness. Oui. Tu vois, j'aurais dû le dire à l'envers, ça aurait été mieux dans ma bouche. Donc la pièce I Believe in a Thing Called Love de The Darkness sur l'album Permission to Land. Avant ça, on a entendu les deux numéros 1 de cette semaine-là du 12 décembre. Thunder avec Everybody's Laughing sur l'album Shooting at the Sun et en francophone Carquois. Oui, oui. Oui, oui. Ce n'est pas Carquois du tout. C'est leur ancien son sur l'album Le Pensionnat, la pièce Le Mutisme des Esclaves. Moi, je t'avoue que tu m'as conquise avec The Darkness. C'est vrai, mais oui, tout à fait. Et notre ancien co-animateur des palmarès, pour les fans de la première heure des palmarès, c'est fou, François-Jacques, Jackie Pop, dépendant des gens. Il aimait ben gros cette chanson-là, puis il a fait ça au karaoké, puis c'était pareil. Pareil. Anecdote, pareil. Y avait-tu le petit saut? Non. Ah. La moustache, il y a pas de moustache, hein? Non, il fait juste imiter Freddie Mercury, le gars de The Darkness. Il n'y a pas de moustache comme Freddie Mercury. Il me semble que non. Non, je pense. Non, il n'y a pas de moustache. Ouais. Carquois, moi, je préférais le son de l'album Le Passionnaire. J'aimais bien gros le son de Carquois à l'époque, jusqu'à temps que ça devienne comme tout le temps pareil, tout le temps chanté de la même façon, mm-hmm. Je trippe plus pantoute sur Carquois, mais quand même, on peut apprécier l'art derrière ça. Puis Thunder, ben, ça me laisse froid, mais cette chanson-là était quand même pas pire, ça. D'accord. Quand même pas si pire. C'est un bon bloc, c'était fou, je trouve, moi. Ben oui, c'est excellent. C'était la semaine du 12 au 18 décembre 2003. Et maintenant, ben, on va revenir dans le présent. Hein? On était rendu aux positions numéro 7 de chaque côté. En anglophone, c'est Honolulu et Keepsake qui monte de 5 places. Et ça monte de 3 du côté francophone, c'est Morning Man des Frères Goyette. Au palmarès, c'est fou, édition top 10. Encore du country. C'est l'émission country aujourd'hui. Country Express. Salut Fernande, ou Luciane, ou Claudette. Françoise. Je dors la nuit dans un cheval de Troie. Je fixe le ciel sur mon oreiller de bois. Puis je me lève à l'aube, je vole les ondes. Ma radio pirate au sous-sol. L'aiguille fait chanter le vinyle. Partant couvert, on m'entend jusqu'en ville. La ligne ouverte et j'ouvre mes micros. Ah, je parle souvent à travers mes chapeaux. Ma grande gueule ouverte, je lève les couvertes, franc par les musiques country. Les mains t'apportent la fine pointe, le bonheur est là, l'antenne est longue, le morning man a vu son nom. Écoute, font jaser les jaloux. C'est dur à croire qu'on m'écoute jusqu'au bout. Je me fais tirage, moi je laisse la place au monde qui ont jamais eu le micro. Une voix d'or sur fond de cafetière. Des graines de thon

Anna Lulu et Keep Sake en 7e place du côté anglophone. Et du côté francophone, sans monter de 3, c'est Morning Man des frères Goyette. On saute par-dessus les 6e en anglophone, c'est Luscious et Turn It Around. Et en franco, c'est Ligne Ouverte de O-Tech. On se quitte là-dessus pour quelques instants. On revient sur dans quelques minutes pour les gens du jeudi et du dimanche. Sinon, c'est demain entre 17h et 18h pour la version quotidienne. Ce sera l'édition top 5. Et si vous voulez entendre Luscious et O-Tech, d'après moi, si vous restez en onde, en ligne, si vous restez là... Sur là, appel. Ouais, d'après moi, vous allez les entendre. Last call! Restez là. C'est fou. 89.1. Bonjour, bienvenue à l'édition Top 5 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 9 décembre 2013 qui se poursuivra cette semaine-là jusqu'au 6 janvier 2014. Et c'est Stéphanie Paradis. Et toi, c'est Mathieu Plante. Merci, c'est vrai. Pour ceux qui écoutaient la version Top 10 des Palmarès C'est fou, j'ai absolument pas dit nos noms, je suis allé directement dans le sujet du Top 10. Badaboum badabing! Je t'ai trouvé très rude. Ouais, c'est vrai, hein? Aucun préliminaire, puis suite les tunes, j'ai comme, mais voyons. Hey, sérieux, accueille-nous dans ton antre ou dans ta... Non, peut-être pas ton antre. Ça fait comme entre gens, je trouve, l'antre. Hein? Antre, c'est une place, hein? Oui, dans ton antre. Oui. Ouais. Fait qu'à la place de dire l'entre gens pour l'engin masculin ou féminin, je pourrais dire juste l'antre. Non, j'aime pas ça. Non, OK. Ça se dit mieux entre gens, je trouve. Non. Entre, c'est... Ça finit trop abrupt. Abrupt. Abrupt. Abrupt pour point. Donc, est-ce qu'on a assez fait de petites Viennoiserie, je trouvais ça cute. Hein? Avec de la crème chantilly et des abricots. Donc, on peut y aller avec les top 5. Là. Oui. Okay. Du côté anglophone, ce sera de Canapire et Wild Animals qui montent de 3 places. Et du côté francophone, on s'en va entendre l'ancien numéro 1, c'est Adieu mes chats de Jacques Maure. Vous parlerez assez fou. Ils sont top 5. Oh, tu joues bien, Mathieu. Moi, j'imite un piano avec mes doigts. Je fais n'importe quoi, par contre. On dirait Jean-Philippe qui tape sur un clavier d'ordinateur. N'importe quoi. Sauf que lui, on l'entend en onde derrière. Tu sais. Comme ça, genre. Oh, t'as peur. Oh, c'est ce qui se passe, hein? Mon Facebook explose. Quand j'écoute avec mes écouteurs, j'entends même son clic de souris. Jean-Philippe. C'est vrai. Moi, je l'entends, mais je suis là, tu sais. Sortir de ton trou. Oh non, non, on ne va pas sortir. C'était The Cat Empire et la pièce Wild Animals, bien sûr, en cinquième place anglophone. Et du côté francophone, c'était l'ancien numéro 1, Adieu mes chats de Jacques Maure, de l'album oui. La Montagne de Feu. Tu parles d'une affaire, toi. Tu parles d'une affaire, c'est un maudit bon bloc. Oui, je parle d'une affaire. C'est ça, je m'emporte rarement avec des sacres là, comme maudits. Je sais pas si c'est... Ben, c'est horrible. C'est un sac, maudit? Ben, je sais que dans Simpson, c'est considéré comme un sac, parce que quand Bart dit maudit, il se fait chicaner. Ah oui? Mais... Ben, en théorie, oui, parce que c'est quand même religieux. Oui, c'est ça. Ostentatoire. C'est ça, il y a quelque chose de religieux là-dedans. Mais je pense que c'est quand même accepté dans le grand public. C'est sûrement le moins pire de la gang. Je sais pas, hein. Ben, il y en a, je pensais que ça l'était pas. Puis là, ma mère m'a tapé ses doigts quand j'étais petite. Ben, c'est comme quelqu'un qui serait allergique aux peanuts ou aux noix, tu sais. Il pourrait être allergique juste aux amandes, tu sais. Parce que c'est comme un sac, tu sais. C'est un sac, mais c'est comme une catégorie différente. T'sais. Genre, ça n'a pas de sens, hein, vraiment. Ah! Je pense. Non, je sais pas. On parle pas de sac de peanuts, on parle de sac religieux. Mais ça, tout me revient aux amandes, parce que je suis en train de manger une Snickers aux amandes tantôt, ça. Ah, c'est aux amandes? C'est aux amandes. Ah, cool. C'est ça, il te reste une bouchée. Fait que profite-en. Du côté anglophone, la position numéro 4 est occupée par Jobin, ta pièce préférée, Soweto, qui descend une. Ben oui, merci. Et du côté francophone, on s'en va entendre plus écrit de Mimi Vandergulo. Peut-être pas le choix parce que je vais sauter dessus. Ah mon dieu, non. Il reste juste une bouchée. Comment la maman, je vais... Ah, il y a une graine. Je vais venir te l'enlever de dedans en bouche. Ouais, un peu dégueu. J'écoute la nuit qui râle. J'entends le dégoût dans vos silences. Le corps est rincé par le temps qui passe. La fatigue gravée sur ma peau. La vie adulte est une thermopompe qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais.

Jobin et So-So descendent d'une place en quatrième position anglophone sur l'album The New Religion Project. Et ce monde en francophone. Non, il m'interrompt, là. Ça monte d'un, c'est plus je crie de Mimi Vanderglou. Attends, jusqu'à la dernière note, là. C'est le fun, c'est les animateurs qui font ça, genre qui attendent que le compteur soit terminé sur le lecteur, tu sais. Puis il y a eu comme un énorme silence à la fin de la chanson. Quand est-ce qu'il va parler? Ah, je pensais qu'il allait partir. So, weto. Ah, donc, ça, c'était le bloc des positions numéro 4. Donc, le chemin s'en va au numéro 3. On est à quelques instants, moins d'une quarantaine de minutes des positions numéro 1. Oh. Et on rappelle que la semaine passée, numéro 1 anglophone, c'était Imaginary Cities et Bells of Cologne. Et oui, du côté francophone, Adieu mes chats de Jacques Maul. Est-ce que ça reste au sommet? Moi, je l'ai déjà dit que ça l'était plus. C'était en cinquième. T'as raison. Alors que moi, j'ai pas encore dit, mais là, je vais le dire dans les prochaines secondes parce qu'en anglophone, la troisième place est occupée par Imaginary Cities, hein? T'as le don de briser le suspense. Ben oui. Oui, et du côté francophone, ça a monté de 1. C'est Le Vent en Vire de David Marin. Attention, je lèche mon doigt. Oh, il y a encore des restants de sneakers aux amandes. Et là, je regarde Le Vent. C'est juste pour plugger encore le fait qu'on a mangé une sneakers. Je comme en pas elle, me semble. Non, je sais, j'allais pas le dire, j'allais comme faire ça subtil au bout, mais... Non, mais je souligne tes erreurs. Merci. Ah, là, OK, les paroles me viennent plus facilement. Tout ce qui tombe à l'eau. Tout ce qui tombe à l'automne. Comme un matin de rentrée. Un cadran qui sonne. Tout ce qui tombe à l'eau. Tout ce qui fait faux bon me donne envie de plonger pour voir si dans le fond y a pas un escabeau pour me remonter le moral au-dessus des normales de saison et des jours en queue de poisson. Jusque dans le piano, les trucs que tu fredonnes en oubliant les mots. Tout ce qui tombe à l'eau me donne le goût de ramasser. Trois. Imagery Cities, l'ancien numéro 1 du côté anglophone, Bells of Cologne. Et du côté francophone, on a entendu Le Vent Vire de David Marin. Ding dong, ding dong. Entrez. Non, c'est plus comme une église. J'avoue. Entrez pas. Non, entrez pas dans une église. À part le dimanche entre 10h et 10h30. Donc, on a rendu, je sais pas. Pourquoi? Parce que c'est jamais ouvert, il n'y a jamais de messe. Dimanche à 10h30, oui. Je sais, tu dis n'importe quoi. Mais c'est tout le temps dimanche. Ça, je dis. Ben, c'est ça. Oui. Tu dis sauf entre 10h et 10h30. Ben, vous pouvez entrer parce qu'il y a une messe. Mais faut pas y aller. Faut pas y aller. Ah, excuse-moi, ok, j'ai pas saisi de la subtilité. Ah non, allez pas là. Vous allez tout fondre, là. Perde on a tout temps. Pêché. Hein. Du côté anglophone, la deuxième place, c'est Royal Canoe et la pièce Birthday qui monte de 16 places. C'était nouveau la semaine passée. Et ça monte de 13. Du côté francophone, c'est ton sac de natation de navet confit. Bon. Fait qu'on s'en va nager, pêcher. On s'en va à l'épicerie, en fait. Écoutez parole, on s'en okay. va à l'épicerie, je suis sûr. Rien à voir avec l'église et les pêchés. Ni la natation. Okay. Des légumes abandonnés du vrac dans les mauvais bacs. Ton amour propre dans un présentoir. Tes yeux comme deux olives farcies. Tes yeux parlent avec le commis, l'intercom dégouline de bas prix, de mépris, de bas prix, de mépris. Il fait froid, tout est gris, une odeur de vomi. Et tous ces gens qui s'avalent dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Ça va dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Entends-tu les néons qui parlent trop fort? Et le styromousse qui s'emballe encore au comptoir des viandes. As-tu bien vérifié la date d'expiration des organes qui sortent de ton sac de natation? Ne tire pas sur les fils et ne tire surtout pas sur tous ces gens. Ça va dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Et tous ces gens qui ça va dans les allées, ils vont et viennent ensemble deux ou trois fois par année. Tous ces gens qui ça va dans les allées. Tous ces gens qui ça va dans les allées. without you. It's gonna happen without you. It's not about you. It's gonna happen without you. It's not about you. If you call it truth, then you gotta bold show, bold show, bold show, bold show. When you go and when you're closing your eyes on your birthday, it only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. Don't you know it's a never, never, never, never, never, never. What if you call it truth, then you gotta bold show, bold show, bold show, bold show. When you go, when you're closing your eyes on your birthday, it only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you. La pièce Birthday par Royal Canoe, c'est le numéro 2 du côté anglophone et c'est là depuis même pas deux semaines, c'est la deuxième en fait. Et du côté francophone, ça fait quand même pas trop longtemps non plus, c'est seulement trois semaines, ton sac de natation de navet confit. Mm-hmm. Avant de passer au numéro 1 et aux choses qu'on a sautées plus tôt dans l'émission, on va y aller avec notre petite chronique maison qu'on aime tant chanter. Oh que oui! Voici Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Yo, yo. C'est ailleurs dans les palmarès où on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est fou, hein? Parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 franco et un top 20 anglo. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Commençons donc avec le top 30 des albums. On a une seule nouvelle entrée, c'est Moonface de l'album Julia with Blue Jeans On. Ensuite, on passe aux premières positions. En fait, en troisième place, ça a descendu de deux, c'est l'ancien numéro 1. Imaginary Cities avec Fall of Romance. En deuxième place, ça monte de 6, c'est Royal Canoe avec Today We Believers. Et finalement, en première place, ça a fait un très gros bond. Ça vient de la place 19 et c'est Sébastien Granger avec Yours to Discover qui souhaite en passant le slogan du tourisme en Ontario. Non. Ensuite, on passe au top 3 des disques canadiens. En troisième place, c'est aussi Imaginary Cities avec Fall of Romance qui a aussi descendu de 2. En deuxième place, Royal Canoe avec Today We Are Believers. Et finalement, le numéro 1 qui a aussi fait un bond de 19 places, c'est Sébastien Granger avec Yours to Discover. Dans le top 10, Loud, une seule nouvelle entrée, mais elle est dans le top 3, donc ils sont là pour l'instant. En troisième place, ça va être une montée de 5 pour Onslaught et l'album 4. En deuxième, c'est la nouvelle entrée, Hell, avec l'album Curse and Chapter. Et finalement, en première place stable, c'est l'album Retrospect de Epica. Malheureusement, on n'a pas le top 5 des musiques du monde, mais vous pouvez l'écouter quand même à Brancher le Monde les dimanches après-midi à 17h avec David Ferron. Et je voudrais aussi te féliciter parce que cette fois-ci, tu as bien calculé ton chiffre romain. Merci. Calculer, ouais. Bon, si on veut. Hein. Mais faut quand même compter, là, genre 5 moins 1 au lieu de 5 plus 1. Come on! Mais quoi? Faut quand même le compter. Je m'excuse, mais moi, si tu me montres genre X, V, I, I, I... Là, c'est dur. Mais... Mais I, V... Ben oui, t'as quand même dit 6 la semaine passée. C'est vrai, hein, t'as raison. T'as fait raison. Ben oui. Que dirais-tu de varier un petit peu? Des fois, on entend un extrait de top musique du monde. Cette fois-ci, on va entendre un extrait du top 30 des albums. Et que dirais-tu de la position qui vient de faire son entrée en 24e? Oui, Moonface. Moonface. Moonface, face de Moon. OK, quelle pièce tu nous fais entendre, mon cher? Évidemment, une pièce de l'album Julia with Blue Jeans On. Voici Everyone is Noah, Everyone is the Ark. C'est une affaire super biblique, ça. C'est biblique, Bible study. Ailleurs, on n'est pas marais. Everyone is Noah. Everyone is the ark. Everyone has to build themselves up when heaven's cruel. And everyone is Noah. And everyone is the ark. Everyone has to gather souls around them to feel useful and loving and loved. And everyone is Noah. And everyone is the ark. Everyone ends up talking to the sky or looking the elephant in the eye. And everyone is Noah. Everyone has found themselves at the end of their road, looking up at the boat, saying, I don't know. I don't know if I can call this home. Le morceau Everyone is Noah, Everyone is the Ark par Moonface sur l'album Julia with Blue Jeans On, et c'est la position numéro 24, nouvelle entrée dans le palmarès top 30 des albums. Mm. C'était dans Ailleurs? Attends. Ailleurs dans les palmarès. On a commencé une phrase après. Ouais, c'était 4 pareils. Ah, wow! Donc voilà pour Ailleurs dans les palmarès, on fait ça chaque semaine dans les palmarès, c'est fou. Et maintenant, on va retourner un petit peu en arrière pour ceux qui étaient avec nous pour la portion top 10 de l'émission. On n'avait pas entendu les positions numéro 6. Donc avant de faire les numéros, on va écouter le numéro 6. Ça te tente-tu, ça? Ben pourquoi pas? Gardons le numéro pour la fin de l'émission. Du côté anglophone, en 6e place, c'est Luscious et Turn It Around. Et du côté francophone aussi, en 6e place, c'est Ligne Ouverte de Hotech. Ça, c'est fou. 89 FM. L'AGE UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. L'extrait Turn It Around de Luscious en 6e place anglophone. Et en 6e place francophone, c'était Ligne Ouverte de Hautech. Et c'était tout à fait dans le désordre parce qu'on était reculé un petit peu en arrière. Maintenant, c'est le moment des numéros 1. Mais c'est pour ça, on fait les garder pour la fin. Ben oui. Ah, et numéro 1 veut obligatoirement dire, malheureusement, jeu de mots. Je sais que c'est comme plate à entendre. C'est comme, bon, tu me diras, tes blagues sont un petit peu genre lourdes, tu sais. Et tu me dirais aussi, en me traitant de gros, ton corps est lourd. Mais là, je te dirais, « Hey, veux-tu bien arrêter de me dire quoi faire? » Tu sais, t'es pas ma mère. Ma mère, elle, par contre, a créé un monstre. Qui en te moi. Nourrissant de Snickers. Ah. C'est pour ça que t'as un corps lourd. C'est ça. Ça. Un peu comme un bateau, comme le Titanic serait genre à la dérive. OK. OK. Ça, c'est le nom de l'album. Ouais. T'as pas besoin de le préciser, non, c'est bon, mon cher. Du côté anglophone, je te dirais que j'ai pas besoin de te dire les choses et toi, t'as pas besoin de me dire les choses parce qu'on se comprend. On est vraiment, on se comprend parce qu'on est tout le temps ensemble. On est tout le temps en train de s'accompagner et on se traite de vieux couple. Genre au moins 3-4 fois par jour. C'est pas parce qu'on avait les deux kangourous gris et jaune fluo aujourd'hui. Oui, on disait d'ailleurs qu'on était l'équipe du jaune campus. Jaune campus. Jaune campus. Merveilleux. Faut que le prochain logo soit jaune, on l'a déjà dit. Bref, j'ai arrêté de vous déranger avec ça ou de vous déranger avec ça. Gringer. Gringer avec ça, oui, c'est ça. Mais c'est un jeu de mots strident ou gringant. Gringant, tu comprends-tu? Genre. Ah, là, ce jeu de mots-là, j'avoue qu'il est un petit peu difficile, comme un petit peu enterré. C'est à nous de le découvrir. C'est à nous de le découvrir. Un peu comme l'Ontario, tu sais. Genre, comme on dirait. Non, est-ce que tu veux dire qu'on devrait enterrer l'Ontario? Oui! Tout compris. Donc, pour vous préciser les choses un peu plus, on s'en va entendre du côté anglophone. Le numéro 1 qui a monté de 19 places, c'est Going With You de Sebastian Granger de l'album Used to Discover. Mais tout juste avant, du côté francophone, ça a monté de 1. C'est Le Corps est lourd dont on a créé un monstre, tiré de l'album La Dérive. Ah, tellement de jeux de mots, hein? Si peu de temps pour les faire. Quand la pluie torride et la gravité affamée, il n'y a aucun filet en dessous de tes pas. Tu as tout ton poids, le vide a tout son temps. Et la lourdeur de ton tourment te déshabille parfois. Le corps est lourd, l'âme est légère comme l'air. Le corps est lourd, l'âme est légère comme l'air. Quand le vent te sur un tambour, les yeux vers le bas, tu hallucines subitement, tu l'évites là-haut, au-dessus des moyens de tes affaires, tu sais si bien le faire, tu sais si bien le faire. première position. Position numéro 1 de chaque côté. En anglophone, on vient d'entendre Sebastian Granger et Going With You qui montent directement du fond du baril en 20e place à la première position anglophone. Alors que du côté francophone, ça a seulement monté de 1. C'est Le Corps est lourd de On a créé un monstre. Poche, ça. Ben, en même temps, ça fait juste 3 semaines qu'il est là puis il est déjà numéro 1. Fait que c'est une autre sorte de félicitation. Moi, j'ai pas dit que c'était poche, moi. Moi je gagne. Je gagne. C'est tout pour cette édition des Palmarès, c'est fou. C'est tout. Il y en a plus. C'est fini? 3 heures passées si rapidement. Wow! Alors, on se retrouve en direct la semaine prochaine, jeudi entre 15h et 18h pour l'édition complète. Ça repasse les dimanches à midi. Et la version quotidienne est du lundi au mercredi entre 17 et 18h. Lundi, New Shit, mardi, top 10 et mercredi, top 5. Merveilleux! Merci Stéphanie Paradis. Hey, merci Mathieu Plante. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment. C'est la 15e position anglophone. La 15e position anglophone. Tu me prends au dépourvu. C'est voilà. Voyager de Fur Trade. C'est toi qui l'as choisi, Dou. Ouais, non, je sais, mais il faut quand même que je retourne sur ma feuille me remémorer les souvenirs. C'est pas mon problème. Merci Mathieu, c'est gentil. Mange donc une bonne fête semaine. OK. Bye. tell.